C'est un plaisir. C'est quoi votre prénom? José. Ah, José, je vais y dire. Et moi, à bientôt. José. Ouais. Administratif. Ça va? Comment? Comment? Stéphane? Stéphane? Ça peut être le même. De la chance, hein. Bonjour Philippe. Philippe le bel appareil. Ça va? Ouais. Alors on se promène un peu? Vous avez de la chance de vous promener. Hein. On se dit autant. Voilà. C'est lourd, hein? Alors quoi de neuf? Ça va. Les amis sont partis. Déjà? Ils vont revenir quand? Quand ils veulent. Hein. C'est la liberté. Ouais. Hein? Quand ils veulent. Comment il s'appelle ce toutou? Oui, c'est Trémour.